Activité 22. 1. Ma couleur préférée est le bleu. Moi, c'est le vert. 2. J'ai un chien et deux chats. Ah, c'est bien. Moi, je n'ai pas d'animaux. 3. Je n'ai pas d'animaux. Ah, moi, j'ai un chien. 4. J'aime aller au cinéma avec mes amis. Moi aussi. 5. L'été, je vais en vacances à la mer. D'accord. Où est-ce que vous allez? 6. Je ne prends pas le métro. Moi non plus.